Ouais, t'es méchant. Tu sais, le monde est méchant. Pour une quiche tata, j'ai chant. Mauvais réflexe, mauvais penchant. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête, bête et méchant. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête. Il pleut des fesses, c'est une averse. Des gestuels sortis d'un multivers. Hermi S, j'suis dans sa worse. Eux font des avatars dans le métaverse. Elle voulait me faire, il s'est passé l'inverse. Mais quelle audace, on force tes mœurs. Ici on se balade pas sur deux dick rivers. Elle veut que je la percute, elle veut que je la renverse. C'est bête et méchant. Tu sais, le monde est méchant. Pour une quiche tata, j'ai chant. Mauvais réflexe, mauvais penchant. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête et méchant. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête et méchant. C'est bête, bête, bête, bête, bête, bête, bête. C'est bête, bête, bête, bête.